Radio Campus, il est 13h. Faire fait semblant d'entendre la colère et l'angoisse. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Des milliers d'ouvriers sacrifiés d'avance. C'est pas moi qui veux créer des emplois. Moi, je suis socialiste et je l'assume. Tu peux plier bagages. Il pleut, il pleut, il pleut. Dégage, dégage, dégage, dégage. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Bonjour à toi, auditeur, bonjour à toi, auditrice, qui écoute Radio Campus Lille en ce vendredi 14 mai, il est 13h et des poussières sur le 106.6 FM. Tu es à l'écoute d'une émission qui commente les flips, qui critique les flops dans l'actualité sociale, politique et économique. Nous revenons toutes les deux semaines pour livrer des reportages sur les luttes sociales et contribuer à la convergence des luttes. Aujourd'hui, pas de reportage, mais nous recevons Lina et Alexandre pour nous parler de la situation en Colombie. En effet, dans l'émission de cette semaine, nous nous éloignons du Nord-Pas-de-Calais pour évoquer la terrifiante crise politique qui a lieu en Colombie actuellement. C'est à la suite d'une réforme fiscale touchant les couches de la population les plus modestes, ciblant notamment les produits de première nécessité tels que le lait et les œufs, que la contestation sociale a conduit à ce qu'on appelle le palo national, oui. C'est-à-dire la grève générale. Celle-ci, qui a été fortement suivie malgré la peur, dure maintenant depuis deux semaines. La forte mobilisation a rencontré une répression inouïe. Il y a de graves blessés, des éborgnés, des mutilés, mais aussi des morts, des disparus. Il est fait état de viols. Des escadrilles de guérilleros en civil et en uniforme tirent à balles réelles sur la population et en plein jour. L'organisation solidaire des citoyens et citoyennes qui résistent permettent aux palos de continuer. Ils prennent en charge les blessés, organisant des roulements pour récupérer et cuisiner de la nourriture. Si on a pu comparer le mouvement social colombien avec le mouvement des Gilets jaunes en France, en raison de la réforme fiscale, s'attaquant encore par la taxe des produits de première nécessité au budget des ménages, en raison de la violente répression et des revendications populaires dépassant largement le retrait de la réforme fiscale qui a déjà eu lieu, on ne peut que s'apercevoir que les deux situations ne sont pas comparables. Elles ne sont comparables qu'en surface, mais pas en intensité. Car le pays est l'un des plus inégalitaires du monde, avec 42% de la population sous le seuil de pauvreté. De pauvreté, c'est ça ? Oui. Et des multinationales profitant des politiques de libre-échange depuis des années. Un pouvoir écrasant toute opposition par les armes et la sournoiserie avec des commandos de guérilleros en civil. Pourtant, la population tient, et tient à s'exprimer. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui Lina et Alexandre. Alors bonjour à tous les deux. Merci, merci beaucoup d'être présents et d'oser prendre le micro contre cette situation terrifiante et intenable. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. De rien. Alors tout d'abord, une première question. De quel point de vue venez-vous nous parler de l'épreuve que vivent les Colombiennes et les Colombiens aujourd'hui? Et qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie par ailleurs? Bonjour, je m'appelle Lina. Une des villes qui est les plus touchées en ce moment par les manifestations, c'est la ville de Cali, d'où je viens et où est toute ma famille et tous mes amis. Moi, autant que Colombienne à l'étranger, pour vous mettre en contexte, ça fait deux semaines que je dors pas parce que je suis vraiment dans l'horaire colombien. Tout le temps demander à mes amis comment ils vont, à ma famille, à regarder ce qui se passe en ce moment et comment ça me touche. Moi ici je viens juste pour parler et pour mettre en contexte la population française par rapport à qu'est-ce qui se passe dans mon pays. Et demander un peu d'empathie et solidarité par rapport au peuple français Voilà. On va essayer de comprendre comment on peut aider, comment le fait d'en parler à l'international, ça aide aussi, comment peut-être nos auditeurs peuvent aider plus individuellement, et puis pour essayer de comprendre le contexte de la mobilisation sociale et des exactions de l'autre côté. Oui. Et Alexandre, bonjour. Bonjour à toutes et tous. On accueille également John. Bonjour, bonjour à notre co-animateur John. Bonjour. Donc je m'appelle Alexandre, je suis Lillois d'origine. À Lille, je préside avec d'autres personnes une association de solidarité avec l'Amérique latine, dont le but est aussi de promouvoir les cultures latino-américaines, de sensibiliser un petit peu sur les contextes politiques, sociaux, environnementaux en Amérique latine, parfois des sujets qui sont méconnus, voire inconnus ici. Et au-delà de ça, je vivais en Colombie jusqu'à il y a 2 ans, et je vivais dans la ville de Cali aussi, et donc je me sens très touché par ce qui se passe. J'ai aussi beaucoup d'amis, beaucoup de, enfin des membres de ma famille aussi. Pour qu'on puisse entendre, pardon, excuse-moi. Vas-y. Qui sont là-bas, tu veux dire. J'allais dire, pour qu'on puisse entendre ce qui se passe, tu as réalisé une émission, un podcast radiophonique avec justement des témoignages des personnes que tu connais, mais aussi par-delà tout le réseau Unidos. J'imagine que vous avez lancé un appel pour avoir des témoignages et cette émission... Bon, on n'est pas encore est diffusé sur le site de Unidos, oui. Et va être diffusé tout à l'heure à Radio Campus Lille à 19h dans l'émission de Rero, Torre Latino. C'est ça. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Alors, en fait, on a l'association ici qui s'appelle Unidos, a un partenariat avec Campus et avec le programme Torre Latino où on produit des émissions. L'année dernière, c'était des séries radiophoniques d'un quart d'heure. Là, maintenant, c'est des émissions d'une demi-heure pour entrer un petit peu plus dans les sujets qu'on évoque. Et là, le contexte a fait qu'on a voulu faire une émission un peu spéciale, un podcast en résumé, un petit peu spécial, qui dure un petit peu plus longtemps, mais qui avait pour objectif de donner la parole à un maximum de Colombiens et de Colombiennes, notamment ceux de ce qu'on appelle la première ligne, c'est-à-dire les manifestants qui sont en première ligne à Cali, à Bogota et dans d'autres villes de Colombie. Et donc cette émission, en fait, fonctionne sous la forme d'un répondeur téléphonique. On a essayé de donner un petit peu ce format-là pour faire en sorte que et les témoins et les auditeurs soient, et auditrices soient en relation directe, en fait. Et voilà, c'est avoir des témoignages concrets de ce qui se passe, du mode d'organisation dans la lutte, des peurs, notamment quand l'hélicoptère survole la ville et tire à balles réelles sur les manifestants et sur la population. Et donc voilà, c'était vraiment aller au cœur du problème et avoir des témoignages directs de ces personnes, ici et là-bas. Ben, à 19h tout à l'heure, on vous invite à réouvrir le poste de radio pour écouter ça. Et donc parmi ces témoignages, effectivement, il y a des témoignages de répression qui nous paraissent inouïs. Entendre ça, en plus dans un pays qui supporte déjà beaucoup, un pays si inégalitaire, auquel s'ajoute une nouvelle réforme fiscale insolente, absurde. Est-ce que tu veux réagir, Lina, là-dessus? Comment la politique économique là-bas se joue sur la population depuis des années? Oui, depuis l'année 2002, il y a un monsieur qui est arrivé, qui s'appelle Álvaro Uribe Vélez, qui est arrivé à la présidentielle. Pour vous mettre en contexte, une des choses qu'il a fait, c'est changer la constitution qui avant ne permettait pas qu'il y ait des réélections présidentielles. Il l'a changé pour pouvoir continuer dans le pouvoir. Et en fait, depuis que lui, il est arrivé au pouvoir, il y a eu un phénomène qui s'appelle les falsos positivos, les faux positifs. Et pour résumer, c'était des récompenses qu'il donnait aux militaires pour donner des baisses. Barras ? Des baisses, ouais. Oui, des numéros de guerrilleros tués, par exemple. Des chiffres. Ouais. Des chiffres de guerrilleros tués. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des accords entre les militaires et les paramilitaires, qui sont l'extrême droite, des milices d'extrême droite qui se sont liées aux militaires, qui prenaient des jeunes de quartiers défavorisés, des paysans Et il les tuait et après les déguisait en guerrilleros. Donc c'était pas des guerrilleros, c'était des personnes du commun qui étaient... Les chiffres. Oui, le dernier chiffre, c'est 6402 personnes faux positives qu'il y a. C'est un chiffre qui est sorti par la JEP, qui est la justice... spéciale. La justice spéciale qu'ils ont implantée après les accords de paix. Ça, c'est pour vous mettre en contexte de jusqu'à quel point le pays il est corrompu. Uribe, il est connu par avoir plein de liens avec les narcotrafiquants, avec les paramilitaires. C'est lui qui a créé plusieurs groupes paramilitaires. Et donc, en 2016, on a eu les accords de paix qui se sont signés avec les FARC. Sauf que depuis ça, il y a le nouveau président que nous avons en ce moment, qui s'appelle Iván Duque, qui a trahi les accords de paix, qui, dans le papier, sont très, très, très bien faits. Mais lui, il a complètement trahi ça. Il y a tous les jours, il y a un leader social qui est assassiné. Il y a des ex-guerrilleros qui veulent se remettre dans la vie normale, civile, qui se font assassiner. Et donc, je voulais juste faire un petit... par rapport à ce que tu as lu... qui me semble très, très pertinent. Mais faire une petite acclaration, ce n'est pas les guerrilleros qui se déguisent en civil. C'est vraiment les militaires qui se déguisent en civil. C'est les policiers, c'est les paramilitaires qui sont déguisés. Et puis les gens du commun qui appuient le mouvement d'extrême droite dans le pays. Donc... de plus en plus avec la pandémie, les inégalités, elles ont encore plus augmenté. Et c'est juste que maintenant, le peuple, il n'en peut plus. Enfin, les personnes les plus vulnérables, elles sont fatiguées. La classe moyenne, elle est fatiguée. Seulement les plus riches, c'est les bénéficiaires de tout ça. Et c'est pour ça qu'ils n'en peuvent plus. Et il y a eu cette grosse explosion de personnes qui sont sorties se manifester. Alors, effectivement, en Colombie, comme de nombreux pays du monde et en Amérique latine en l'occurrence, il y a de grosses proportions de populations qui vivent au jour le jour, qui vivent un petit peu de l'économie quotidienne. La pandémie n'a absolument pas amélioré la situation économique de ces familles dans les quartiers, à la campagne. On dit classe moyenne, mais en fait, c'est classe moyenne et classe les plus précaires. Et durant la pandémie, la Colombie a été un des pays, c'est le second pays en Amérique latine à avoir investi massivement dans des armes de guerre, des chars d'assaut, des blindés, pendant que la population souffrait encore plus de cette situation sanitaire. Et en fait, la réforme fiscale qui était, j'allais dire proposée, mais imposée par le gouvernement d'Iván Duque, c'était demander aux populations les plus précaires de payer davantage d'impôts sur les produits courants, comme tu le disais en introduction. Et en fait, c'est pour faire une synthèse de tout ça, c'est on souffre, on investit dans des moyens de guerre, mais vous allez payer. Et donc, évidemment, ça a conduit à... C'est des événements déclencheurs, hein, c'est des années, des décennies de situations très critiques et tendues. Mais là, ça a été un moment déclencheur, en fait, qui a fait exploser le pays, en fait. Et dans les villes, ce qui est quelque chose de nouveau, enfin nouveau, pas tant que ça, mais la guérilla en Colombie et la situation conflictuelle, elle se passe aussi beaucoup à la campagne. C'est quand on parle de guerrilleros, de paramilitaires, de mini-légal, de narcotrafic, c'est beaucoup à la campagne, ça renvoie une image de campagne. Et là, tout ça se passe dans les villes aujourd'hui, ce qui permet aussi une médiatisation importante. Mais ça implique aussi que les gens qui étaient dans des quartiers pauvres, déplacés, des familles déplacées depuis des années, des décennies à cause du conflit, on veut les rendre encore plus pauvres, en fait. Et ce chiffre de 42% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, sur une population de 50 millions d'habitants, c'est énorme, c'est dramatique. Et donc le pays, les gens sont dans la rue aussi pour ça, parce que économiquement, c'était les envoyer au trou, en fait. Donc, Ce qu'on entend dans les témoignages que tu as... mixé ensemble pour le podcast qu'on entendra tout à l'heure à 19h, C'est une grande solidarité entre les personnes et pourtant il y a un sentiment de peur, de méfiance qui doit être omniprésent à cause de ces guerrières déguisées, à cause de la peur de la dénonciation. J'imagine que la situation des lanceurs d'alerte, des militants, des journalistes, comme on entend parler de disparition, etc., tout le monde doit être terrifié d'oser être mis sur la place publique et... Et du coup, voilà comment s'organise la solidarité entre les gens et comment dépasse-t-il la méfiance ambiante qui est instaurée et la terreur ambiante qui est instaurée. Moi, autant que Colombienne, j'ai 30 ans, je pourrais dire que la peur, ça fait partie d'un sentiment avec lequel on est. Et je me suis rendu compte de ça ici en France. Le simple fait de toujours marcher en pensant que en entendant une moto et en pensant qu'on allait me voler ou tout ça, parce que tout simplement ça fait partie de notre quotidien. La violence et la peur, ça fait partie du quotidien colombien. Et ce que je trouve le plus beau en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont changé leur peur, ils ont transformé leur peur à quelque chose pour se manifester. Et comme tu dis, la solidarité, pour moi, des choses à remettre en valeur, c'est la résilience qu'a le peuple colombien. C'est la résilience par rapport à les atrocités qu'on a vécues, les choses horribles, mais qu'à côté de ça, il y a une solidarité, un amour pour le pays, un amour pour les personnes qui sont là, qui font qu'ils les poussent et leur donnent de la puissance et de la force pour... créer des choses ensemble, en communauté, pour de l'entraide, du partage de liens. Donc, je sais que j'ai plusieurs amis, moi je viens du milieu artistique, j'ai plusieurs amis qui viennent de l'art, mais qui sont complètement liés à ce qui se passe. Ils sont vraiment dans les rues, en train de récolter des donations pour les personnes qui sont dans la première ligne, en train d'organiser des repas communautaires, en train de... organiser aussi des manifestations artistiques. Et pour moi, c'est très important qu'on voit aussi, malgré les choses horribles qu'on est en train de vivre, qu'on voit aussi la résilience du peuple colombien. Si tu me le permets, je voudrais donner deux exemples concrets, de terreur, comme tu l'évoquais dans ta question. On y reviendra peut-être, mais en Colombie, il y a des mouvements indigènes qui sont assez bien organisés et qui rejoignent les mouvements sociaux. Donc là, les mouvements indigènes étaient venus dans la ville de Cali aussi pour soutenir les manifestations. Et dimanche dernier, il y a eu des affrontements entre la caravane indigène, si on peut l'appeler ainsi, et des franges de la population plutôt orientées à l'extrême droite, en tout cas du centre démocratique qui est le parti au pouvoir. À la sortie sud de Cali. Et en fait, ces personnes ont voulu faire blocage à la caravane et ça a terminé en affrontement où on leur a tiré dessus, sur les indigènes. Et au regard des vidéos, des photos, ces personnes étaient armées avec des armes de guerre. Une population, en fait, qui n'a aucune autorisation, selon la loi, ou alors je me trompe depuis le début, mais non. Selon la loi, une personne qui est armée doit avoir une autorisation. Et donc, il y a eu des affrontements. Depuis, forcément, il y a une espèce de communication sur la lutte indigène et ce que ça représente en Colombie. Toujours est-il que pour terroriser la population, hier soir, un mouvement paramilitaire qui s'appelle AGC, qui est l'autodéfense gaïtiniste de Colombie, c'est un mouvement très puissant paramilitaire en Colombie, il y a 4000 membres. De l'extrême droite. De l'extrême droite, qui vit du narcotrafic, qui vit de la mine illégale, etc., etc. Hier, ils ont publié un communiqué où ils ont signé en fait cet échange de balles. Clairement, ils ont dit que c'était eux. Ils menacent dans le communiqué les manifestants de mort. Et ils ont publié à la fin du communiqué les 5 ou 6 portraits des organisateurs principaux des manifestations à Cali. Donc clairement, c'est un appel à la terreur, au meurtre. Et ce qui est important, c'est que les personnes du mouvement en cours puissent soutenir aussi ces personnes dont les photos et les noms sont diffusés, parce que moi, personnellement, je donne pas cher de leur peau, malheureusement. Un deuxième exemple, Hier, ça date d'hier soir, il y a eu un nouveau mouvement national, c'est-à-dire que des manifestations massives dans le pays. Et dans la ville de Popayán, au sud du pays, il y a eu 3 cas de viol sur des jeunes filles mineures défenseuses des droits de l'homme, et par la police, hein, viol commis par la police. Et en fait, dans la nuit, une des victimes s'est suicidée, parce qu'elle vivait un traumatisme, en fait, de ce qu'elle avait vécu. Et donc, c'est des conséquences directes de ce mouvement de terreur, en fait, qui touche non seulement la population colombienne dans son ensemble depuis des années, mais là, en l'occurrence, les gens qui sortent dans la rue pour appeler à la démocratie, quoi. Et ce groupe armé, ce groupuscule armé, est indépendant du pouvoir, ou il en est un bras armé plus ou moins officieux ? Officieux, oui, parce que évidemment le pouvoir peut pas revendiquer un lien avec les paramilitaires, mais les mouvements paramilitaires en fait sont nés de la lutte contre la guérilla à un moment. Là, tout à l'heure j'ai cité le AGC, mais il y en a d'autres. Il y a le AUC, qui est l'Autodéfense Unie de Colombie, qui a été créé dans les années 90 par quelqu'un qui s'appelle Carlos Castaño, dont le père avait été tué par la guérilla dans les années 80. Et donc depuis les années 2000 et l'arrivée de Álvaro Uribe au pouvoir, comme le disait Lina, il y a eu une espèce d'accointance entre le pouvoir politique, le pouvoir économique souterrain lié notamment au narcotrafic, la peur qu'il fallait imposer aux paysans pour la guerre de territoire. Et en fait, tout ce jeu avec tous ces acteurs politico-militaire, si je puis dire, a fait qu'il y a eu des accointances directes. Le frère de Álvaro Uribe a des liens avec les paras directs. Il a été condamné pour ça. Donc c'est très informel, enfin c'est officieux, parce que évidemment. Mais les liens sont assez. Mais les liens sont clairs, sont identifiés. Depuis les accords de paix et l'établissement de la justice spéciale pour la paix, on commence à deviner un petit peu tous ces liens. Il y a une super série qui est sortie depuis l'année dernière qui s'appelle Matarife, en français Le Boucher, sur le rôle d'Álvaro Uribe dans tout ce conflit, on va dire, depuis 20 ans, même si le conflit date d'il y a 60 ans et plus. Depuis 20 ans, le rôle d'Álvaro Uribe là-dedans, les liens avec, même à l'époque, dans les années 80, avec le Colombien, le narcotrafiquant colombien certainement le plus connu. Mais à l'époque, Álvaro Uribe, il était en charge des départs et des arrivées de vol à l'aéroport de Medellín, d'où partaient les avions de Pablo Escobar pour les États-Unis. Et donc il y a des liens qui sont mis en évidence. Et c'est très clair, en fait. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le peuple colombien dit stop. Et une des questions que je me pose, c'est du point de vue international, il y a un déni. D'habitude, les puissances internationales ferment les yeux devant ces façons de gérer leur économie, gérer l'économie colombienne. Ils ne sont jamais inquiétés pour ce genre de problème. Parce que là, quelques voix internationales se sont élevées pour critiquer la répression. Mais d'habitude, pourquoi est-ce qu'on n'entend jamais parler de cette situation ? Tu pourras répondre aussi pour compléter, mais moi je pense que c'est lié à des intérêts économiques. Il y a plusieurs procès contre Álvaro Uribe qui ont essayé de se passer, sauf que lui en Colombie il contrôle toutes les justices et enfin je sais pas les termes en tout français. Tout le système judiciaire. Oui, je suis désolée, mais. Mais en gros, ils contrôlent tout ça. Chaque fois qu'ils essayent de faire un procès contre lui, il y a un témoin qui est mort. Enfin, c'est des choses que tu te dis, mais comment c'est possible que ça arrive, des choses comme ça. Face à ça, moi, je pourrais dire qu'il y a quelque chose d'aveugle par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a plusieurs institutions européennes qui ont quand même parlé un peu de ça. Je ne sais pas si tu veux compléter. Je pense qu'il y a deux aspects sur la médiatisation et en tout cas la réponse que pourraient donner des organisations internationales ou alors des gouvernements d'autres pays. Il y a un point de vue politique d'abord. Il faut savoir que l'Amérique latine dans son ensemble est le terrain de jeu des États-Unis depuis pas mal de décennies. Oui. Et la Colombie l'est d'autant plus depuis 20 ans. Il y a des points de l'armée états-unienne en Colombie. Il y a des régiments hein, qui sont situés un petit peu partout sur le territoire. Et c'est un pillage silencieux aussi des ressources de la Colombie, parmi d'autres pays. La Colombie est un très gros producteur de pétrole. Il y a des mines illégales, il y a de l'or, il y a beaucoup de produits. Beaucoup de ressources. Et le jour où, je pense qu'avec le conflit qu'on vit, le jour où les États-Unis se positionneront et fera trembler le gouvernement colombien, déjà, ça donnera un autre angle à la perspective. À côté de ça, il y a le côté médiatique. C'est-à-dire que ici, et encore une fois, merci de nous donner cet espace pour en parler. Mais j'ai encore vérifié ce matin, dans les grands médias français, on ne parlait pas du tout de la Colombie. Je ne sais pas si je peux les citer, mais en tout cas les grands médias qu'on connaît tous, on n'en parlait absolument pas, pas un article. Pourquoi ? Parce que c'est aussi le système médiatique qui, ici, conditionne, c'est-à-dire les journalistes, sauf s'ils vont sur le terrain, qu'ils font des reportages. Les journalistes se basent aussi sur des dépêches de l'AFP, l'agence France-Presse. En Colombie, il faut savoir que les médias sont plutôt à la botte du gouvernement. Des médias comme RCN, comme Caracol. Et en fait, on essaye de taire aussi ce qui se passe. Malgré des milliers, des milliers, des milliers de gens dans la rue, on essaye de taire. Donc si les médias dans le pays d'origine déjà couvrent, c'est-à-dire que l'information se diffuse de manière beaucoup plus difficile vers les médias étrangers aussi. Et donc, si la couverture médiatique n'est pas imposante ici, c'est un enchaînement qui fait que pourquoi des personnalités politiques en parleraient. Il y en a eu quelques-uns la semaine dernière sur les réseaux sociaux, mais c'est compliqué. Alors voilà, c'est deux aspects qui sont et les intérêts économico-politiques et l'intérêt médiatique. Mais... Je vous propose une pause musicale. Tant qu'à parler de solidarité, je vous propose le fameux morceau El Pueblo Unido qui a été enregistré là à Santiago du Chili. Thank you. entre les terrifiantes conséquences d'un système économique et, avec un bras armé politique acharné, les peuples unis ne seront jamais vaincus. Alors, on est de retour avec Alexandre et Lina et notre ami John, co-animateur de l'émission Des flips et des flops. On commente les flips et les flops dans l'actualité politique, économique et sociale. Bonjour à vous. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6 FM et il est 14h30. Alors, de retour avec nos invités, nous étions en train de parler de la grave répression et des médias là-bas. Alors, je voulais justement vous poser la question des médias alternatifs là-bas, des petites radios, des petits journaux de presse, des petits sites. Est-ce qu'ils arrivent à écrire quand même sur la situation et quelle est la situation des journalistes? Et avant cela, je voulais préciser qu'il y a dans l'Humanité un article qui nous a été conseillé par un auditeur sur la situation en Colombie. Un article de mardi. Très bien, merci. Merci. Comme disait Alex, en fait, parmi les émissions de télé, on dit, les chaînes de télévision nationales comme RCN ou Caracol, les choses, elles sont vraiment mises contre les manifestations. Donc, entre autres, les manifestants, ils sont traités de vandalos, vandales, comme si c'était la guérilla qui est descendue et qui fait partie des manifestants, quand ce n'est pas du tout le cas. Et du coup, ce qui s'est passé maintenant, c'est que les réseaux sociaux, ils se sont devenus les meilleurs amis de beaucoup de journalistes colombiens. Par exemple, moi, j'ai un ami qui s'appelle Jafran, qui, tous les jours, il sort avec ses réseaux sociaux sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, pour publier ce qui se passe en direct. C'est-à-dire qu'il est tout le temps avec son téléphone, filmer les atrocités qu'ils font la police. Il s'est fait déjà... un jour, il était en train de filmer, il a dû... Tu vois dans la vidéo comment il a dû monter chez un voisin qu'il a accueilli chez lui. Et les policiers, ils tiraient vers lui carrément comme ça. Il a dû partir de Cali pendant un moment parce qu'il s'était fait menacer. Là, il est très, très courageux. Il est revenu. Et chapeau pour lui. Tu peux nous redonner le nom de son Instagram pour aller voir? C'est Jafran. Ça s'écrit J-A-H-F-R-A-N. Et lui, c'est un parmi les autres. En ce moment, c'est vraiment surtout, c'est des journalistes jeunes, je pourrais dire, qui ont pris le relais et ils se sont dit, on va pas continuer comme ça, malgré la censure qu'il y a en ce moment en Colombie, pas seulement dans les émissions de télé, dans les grandes chaînes nationales, mais vraiment dans les mêmes personnes qui partagent dans l'information. Donc il y a plein de personnes qui ont dû changer à Signal, à Telegram par exemple, parce qu'ils se faisaient censurer par Facebook, par Instagram. Tu vois, souvent moi je reçois des amis qui m'envoient des images et ils me disent publie ça parce qu'ici en Colombie on peut pas le faire, on nous interdit de publier cette vidéo là. Il y a eu par exemple à Cali, dans le quartier de Siloé, et c'est un des points de résistance qu'il y a à Cali, parmi les 21 points de résistance qu'il y a. Ils enlèvent la lumière, ils enlèvent l'électricité et ils coupent tous les réseaux d'Internet pour que les gens ne puissent pas partager ce qui se passe et pour pouvoir que les militaires ils puissent tuer sans que personne se rende compte. Donc, juste pour finir... ça, c'est en Colombie, mais le mercredi 12, il y avait une conférence organisée ici en France. C'était un Zoom de plusieurs personnes qui participaient, dont un Français qui s'appelle Maurice Lemoine, je crois. Et on était en train de voir l'émission. Et en fait, il y avait des personnes en Colombie qui parlaient de ce qui se passait et tout ça. Et il y a commencé à eu des bugs, des sons en anglais, des personnes qui disaient « shut up » ou des images, c'était des trolls qui arrivaient pour intervenir dans l'émission. Et pour moi, ça a été super fort parce que même en France, ils font ça. Il y a même des gens qui sont organisés pour censurer ce qui se passe dans d'autres pays. Enfin, en France, ça m'a beaucoup touchée, entre autres. Il y a un très gros mouvement de censure, effectivement, comme le disait Lina, sur les réseaux sociaux. Et il y a des mouvements qui s'organisent pour compiler en fait toutes les vidéos et les témoignages qui sont envoyés. Souvent, on voit au-dessus d'une publication enregistrer cette vidéo avant qu'on l'efface. Pourquoi ? Parce que les comptes sont fermés. On a dans le témoignage, un des témoignages qui sera diffusé ce soir sur l'antenne, une amie commune qui nous dit effectivement utiliser un autre système de communication parce que la police en fait les piste, c'est-à-dire qu'ils arrivent à décrypter l'endroit où ils se trouvent, s'ils indiquent dans un des messages l'endroit où ils se trouvent, arrivent les drones, arrivent l'hélicoptère, arrivent, et donc c'est très dangereux. Donc il y a une espèce d'organisation parallèle qui se fait sur une communication rapide, l'envoi de vidéos et d'audio, l'enregistrement par des médias alternatifs, par des ONG, etc. D'ailleurs, l'ONG Temblores à Bogota, qui recense un petit peu les cas que tu évoquais en introduction, le nombre de morts, le nombre de disparus, etc., a fait un communiqué en disant, dès que vous publiez une vidéo, quand vous filmez, dites qui vous êtes, pour qu'on puisse vous identifier au cas où vous êtes, le jour et l'heure. Et en fait, ça permet, et eux, en fait, synthétisent tout ça, enfin, compilent tous ces témoignages pour pouvoir garder des archives, parce que les choses disparaissent. Mmh. Il existe une sorte de tension, du coup, entre la technique, les réseaux sociaux et le téléphone comme moyen de résister, de s'organiser, de lutter, et en même temps, la traçabilité numérique et les risques de la surveillance informatique. C'est un peu le mal des militants de notre temps. Ah oui, oui, oui. C'est inquiétant. Oui, oui, oui. Et justement, dans la conférence du mercredi, il y avait une fille à Cali qui disait il y a certains mails qu'on a envoyés qui avaient des mots-clés qui parlent de ce qui est en train de passer. Et du coup, elles se sont rendues compte que c'était des mails qui ne s'envoyaient jamais. Et elle disait, c'est clairement de les stratégies militaires qui est derrière ça. Enfin, moi, j'ai une question en fait sur de manière quantitative, hein, parce que j'ai pas le rapport de force en fait dans la tête. Avec une population de 50 millions d'habitants, combien de manifestants en fait dans la rue pour lutter contre l'oppression ? C'est difficile de quantifier. J'ai pas les chiffres de hier de la nouvelle marche. Moi non plus. J'ai pas regardé les derniers chiffres, mais... Principalement à Bogota et à Cali ou partout Medellín, Popayán. Bogota, Medellín, Manizales, non, c'est dans plusieurs... Barranquilla. Parce que bon, là, il y a la guerre, justement, il y a la guerre de la communication, hein, puis l'info passe difficilement ici, et même quand elle passe ici, en fait, elle est un peu édulcorée. Ils mettent pas vraiment les rapports, en fait, dans le mainstream à la télé. Après, à la radio, c'est un peu différent. Mais la question, c'est qu'en fait, si vous arrivez à gagner cette bataille de communication, quel espoir, en fait, vous avez besoin d'une intervention étrangère ou le peuple sent qu'il peut réussir à faire un renversement, en fait, de situation ? Un blocage ou autre chose par la grève ou par, justement, la retour à une forme de guerre civile à l'époque il y avait avec les FARC, quoi. Est-ce que vous voyez une sortie de crise ? Alors, oui, ça c'est un long débat, mais en tout cas, pour répondre à ta question en partie, il y a une phrase qui est, enfin une formule qui est diffusée de plus en plus, qui dit « Pase lo que pase, et el mundo está viendo que el pueblo despertó ». Ça veut dire « Peu importe ce qu'il se passe, le monde est en train de voir que le peuple colombien s'est réveillé ». Donc déjà, ça se passe de l'intérieur. Ce qui est important, c'est la prise de conscience à l'intérieur du pays. On parle beaucoup de polarisation, enfin on en a parlé avec les paramilitaires, la guérilla, enfin, il y a une polarisation de la société colombienne avec une espèce de zone grise, si on peut l'appeler comme ça, de population qui souffrait, évidemment, mais qui... on vit dans une époque où il faut aller vite, on vit un petit peu au jour le jour, d'autant plus là-bas. Et donc, c'est important qu'il y ait cette prise de conscience nationale de la population. Ouais. Évidemment, dans un second temps, c'est important que à l'extérieur du pays, en l'occurrence... dans les pays voisins, hein, au Venezuela, au Pérou, en Équateur, au Mexique, ce soit diffusé, ou au Brésil, aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure, en Europe, en Espagne. L'Espagne a quand même des liens forts avec l'Amérique latine. En France, c'est important qu'il y ait cette sensibilisation et cette recherche de compréhension, en tout cas une nouvelle lecture de la crise politique et sociale, économique en Colombie depuis 60 ans, ouais. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour schématiser un peu. C'est un conflit qui est tellement compliqué, complexe, avec de nombreux acteurs, avec de nombreuses problématiques nouvelles, anciennes, des acteurs corrompus mais qui ont des tribunes dans les institutions mondiales les plus réputées. C'est important qu'il y ait un discours, un temps d'échange, des temps d'échange avec, en l'occurrence ici, la population française pour comprendre les tenants et aboutissants du conflit latent dans ce pays. Okay. Et en fait, quand voilà, pour revenir justement à cet aspect communication vers l'extérieur, bon, moi j'ai souvenir pas par rapport à la Colombie, mais par rapport à d'autres conflits et à d'autres mouvements, par exemple qui ont été tués. Il y a eu dans les années 2012, à partir de 2012, en Europe, il y a eu beaucoup de mouvements en Grèce, mais énormes, et beaucoup de batailles dans les rues, rangées, tout ça. Et ça a vraiment été tué parce qu'en fait, même, et c'est pour ça qu'en fait, dans les médias mainstream, à la télé particulièrement, on verra pas beaucoup de choses sur la Colombie parce qu'en fait, le média a peur que ça fasse émule. Exactement. Et c'est partout, il me semble que c'est partout déjà en Amérique latine que ça bouillonne. Ici en Europe aussi, ici en France, là, on rentre dans une situation compliquée aussi. Donc voilà, je pense que il faut continuer à partager les infos de la Colombie et réussir à vraiment à. Parce que ça traverse la pensée de tout Européen. Moi, juste pour ajouter quelque chose, moi, je saurais pas, autant que Colombienne, je saurais pas comment répondre à ta question si les choses elles vont pouvoir se changer, si y a besoin d'intervention de l'étranger, parce qu'on vit le jour à jour, ouais. Franchement, on vit le jour à jour en espérant que quelque chose change. En luttant pour quelque chose change, je ne sais pas quelle est la solution, mais juste l'appel, c'est solidarité avec le peuple colombien et aidez-nous à partager ce qui se passe et à prendre conscience de ça. Ouais. Parce que là, j'ai vu que Michel Bachelet à l'ONU, hein, au HCR, en fait, eux, pour l'instant, ce qu'ils appellent, c'est de respecter vraiment les accords de paix, mais c'est c'est minimal par rapport à ce que la situation est en train de comment elle évolue. Oui. Donc voilà, je me demande si voilà à une époque dans ce genre de situation, on appelait Conseil de sécurité, on envoyait des casques bleus, on faisait des choses. Et là, c'est juste la position de Biden, par exemple, qui vient de commencer son investiture aux États-Unis. Est-ce qu'on sait la position qu'il a par rapport à ça? Est-ce que conserver la politique américaine de. Ce serait crucial. Ce serait crucial d'avoir son avis parce que ça donnerait peut-être une idée de sortie de crise. En tout cas, s'il y a un blocus, le terme est peut-être fort, mais en tout cas, les États-Unis l'ont déjà fait sur d'autres pays en Amérique latine. S'il y a un blocus économique, une pression économique auprès du gouvernement colombien, déjà, le gouvernement colombien risque de se calmer un peu. Si au contraire il va dans son sens, au moins on pourrait dire, nous, défenseurs des droits de l'homme, qu'il en a parlé. Donc médiatiquement, il peut y avoir un impact. Ce qui est certain, c'est qu'une intervention militaire étrangère est à exclure. Enfin, le pays est déjà assez en crise Oui. Il y a déjà assez d'armes et d'acteurs du conflit. Le cercle de la violence. Voilà. Là, je pense que ce serait catastrophique. Et c'est pour ça que c'est important d'appuyer sur, comme tu disais, Lina, la résilience du peuple colombien, parce que au regard des images qu'on voit, des mouvements, de toutes ces franges de la population qui manifestent, hein, il y a déjà eu des mouvements sociaux en Colombie, des étudiants, etc. Mais là, il y a toutes les catégories sociales de la population. Et donc, cette idée de résilience et de prise de conscience peut insuffler un changement de l'intérieur. Et si c'est couplé à une pression politique et économique uniquement, d'autres gouvernements étrangers, alors c'est là où le gouvernement d'Ivan Duque et tout le système d'Alvaro Uribe pourraient vaciller et peut-être même quitter le pouvoir avant les élections l'année prochaine, pourquoi pas. Il semble évident que la population colombienne sait déjà d'elle-même produire des richesses, s'organiser sans ce type de décision politique sans ce type de gouvernement. Est-ce que vous savez si la composition de la population qui est dans les 42% qui sont sous le seuil de pauvreté, mais aussi les gens qui sont investis là dans la lutte, peuvent trouver une voie par les élections ou bien peuvent aussi partir vers un processus constituant à la manière du Chili? Est-ce que c'est évoqué dans les vraies revendications politiques portées par la population ? On l'a entendu, je me permets, hein, on l'a entendu dans certaines revendications, en tout cas la rédaction d'une nouvelle constitution, pour aussi effacer la constitution rédigée par le gouvernement d'Uribe au début des années 2000, quand il arrive au pouvoir. Donc ça, c'est aussi une des revendications du mouvement. Ce qui est certain, c'est que, même d'un point de vue politique, ce qui se passe en Colombie... Aux dernières élections présidentielles, en 2018, il y a un candidat qui est arrivé au second tour, qui s'appelle Gustavo Petro, qui est un candidat de gauche. C'est la première fois qu'il y a un candidat de gauche qui arrive au second tour d'une élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que les précédents s'étaient fait assassiner, ouais. Entre les deux tours, parfois. Donc c'est pour montrer aussi la violence et la polarisation, c'est-à-dire que Gustavo Petro est un ancien du ce qu'on appelle le LN, du M19, pardon, qui était un mouvement guerriero de la ville dans les années 70 et 80. C'est un ancien. Face à Iván Duque, qui est plutôt d'extrême droite. Donc c'est vraiment pour montrer cette différence entre les deux franges de la population. Aux prochaines élections, est-ce qu'il y aura un mouvement citoyen de personnes inconnues jusqu'alors, mais qui se sont réunies autour de la table durant ce mouvement, mouvement composé peut-être de gens des quartiers, d'étudiants, de populations indigènes, pourquoi pas, ça peut aussi être une idée. Je ne sais pas si c'est en train de s'organiser, en tout cas il y a depuis quelques jours des tables de discussion qui s'organisent, mais... on est encore loin d'une candidature commune. Bien sûr, c'est extrêmement difficile de s'organiser dans ces conditions. Il ne faut pas de laisser de côté que, vu que c'est un pays très corrompu, même aux élections, il y a ils achètent des... ils achètent des votes et c'est au point de je te donne quelque chose, je te donne une brique ou pour construire ta maison et toi tu me donnes ton vote. Et c'est des choses organisées où c'est quelqu'un du quartier qui doit avoir autant de cartes d'identité enregistrées dans le point de votation qui doivent démontrer qu'ils ont voté pour le candidat présidentiel et grâce à ça après lui donne un poste parmi quelque chose administratif du gouvernement. Et puis, les gens qui ont voté pour lui, ils ont des récompenses du style quelque chose à manger. C'est à ce point-là. Donc, et c'est des choses qui s'arrivent, que le peuple il la dénonce, mais ça n'arrive pas plus au-delà de ça. Et alors, comment les auditeurs qui nous écoutent là peuvent aider pour la situation présente ? Moi, je dirais s'intéresser à... Déjà, rien que écouter l'émission, s'intéresser à chercher des informations sur les réseaux sociaux, faire attention à les informations qu'ils cherchent. Si, par exemple, ils croisent quelqu'un dans la rue qui a le drapeau colombien ou qui a quelque chose et qui est en train d'essayer de parler de ça, s'arrêter un petit moment à l'écouter. Si ils ont des amis latino-américains ou colombiens, prendre le temps de les écouter parce qu'en ce moment, la fatigue émotionnelle qu'on a, elle est innombrable. Il y a sur les réseaux sociaux, Instagram par exemple, il y a une association qui s'appelle Teje, T-E-J-E France, et toutes les informations elles sont en français. Du coup, ils peuvent aller là-bas voir, se rendre compte de quand sont les manifestations. C'est très focalisé à Paris, mais de toute façon, ils partagent souvent qu'est-ce qui se passe et ils partagent des numéros clairs de ce qui se passe, des dénonciations. Donc c'est vraiment prendre un petit moment, une minute dans la semaine et juste à parler de ça à quelqu'un et être solidaire avec ce qui se passe en ce moment. Ce qui est important, c'est de rendre visible, encore une fois, ce qui se passe. Il y a malheureusement, l'actualité d'aujourd'hui fait qu'il n'y a pas qu'en Colombie que c'est en train de péter, mais c'est rendre visible ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est des sujets qui sont très peu connus ici. Ça peut être en participant à des conférences. Il y a pas mal de conférences organisées en visio sur les réseaux sociaux. Ça peut être rejoindre, par exemple, à Lille, le collectif de Colombiens qui s'est créé de manière très naturelle, sans aucune position politique, mais qui s'est créé pour se rassembler. Il y a des rassemblements, il y a des réunions, il y a des moments d'échange ensemble. Par exemple, la semaine prochaine, l'idée, c'est de... Enfin, il y a le cinéma L'Univers qui a été réservé pour créer une journée d'échange autour de ce qui se passe, avec des témoignages, avec des supports vidéo, avec des ateliers d'écriture aussi, pour que chacun puisse s'exprimer, des lectures. Et on invite tout le monde, même les gens du quartier autour de l'univers, les gens de la métropole, à venir, ne serait-ce qu'une demi-heure, une heure. Et ce sera quand ? C'est samedi prochain, donc samedi 22 mai. À partir de 15h, me semble-t-il. Oui, à partir de 15h. À partir de 15h jusqu'à 18h30 ou 18h45. Mm-hmm. Et vraiment, l'idée, c'est de créer un moment d'échange. On essaye d'organiser ça de manière assez urgente. Donc, on est incapable de dire aujourd'hui ce qu'il y aura lors de cet événement. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir réagir, échanger, sensibiliser. Et on invite vraiment tout le monde à venir, ne serait-ce qu'une demi-heure, pour pouvoir aller à la rencontre de Colombiens et de Colombiennes expatriées aussi ici, qu'il faut dire, depuis un an et demi, bientôt, souffrent aussi d'une situation complexe. Être loin de sa famille, ce n'est pas évident. On sait, on a tous vécu la même chose depuis un an et quelques. Et là, les images qu'on leur envoie de leur propre pays et les craintes qu'il y a pour leur famille, leurs amis, c'est un contexte qui est encore plus difficile. Et donc, aller à la rencontre aussi de ces personnes-là, c'est donner un petit peu d'écho à ces craintes, et pas seulement à la lutte, mais au ressenti personnel. Et voilà, c'est important de pouvoir se réunir. Et n'hésitez pas à contacter sur les réseaux sociaux. Il y a des groupes de Colombiens à Lille. N'hésitez pas à les intégrer, vouloir rentrer en contact avec la communauté colombienne d'ici. En tout cas, les gens qui se mobilisent. Bienvenus. Voilà, honnêtement, l'idée, c'est vraiment de discuter. Par exemple, depuis la diffusion du podcast, il y a des personnes qui ont écrit à notre association parce qu'ils avaient entendu le podcast et qu'ils avaient vécu en Amérique latine il y a quelques années, ou étaient très liés à l'Amérique latine et du coup souhaitaient, pour les prochains épisodes, participer, traduire. Et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir mobiliser des gens pour donner de la voix, en fait, et tendre le micro aux personnes qui ont besoin de se faire écouter, ne serait-ce que 5 minutes. Bravo à vous pour votre courage de parler de tout ça et d'organiser des événements comme ça pour qu'on le connaisse ici, tout ce qui se passe, parce que c'est insuffisant les informations qu'on a par les grands médias, comme tu parlais tout à l'heure, donc l'importance des associations qui font vivre les mouvements sociaux, qui font connaître les choses, et puis des petits médias alternatifs comme nous qui essayons de retransmettre le message, la parole. Est-ce que tu as une question, John ? Non, je n'ai pas d'autre... les prochaines échéances, en fait, à part les réunions ici, là, comme à l'univers, là, mais pour le pays, justement, pour la Colombie, quand est-ce qu'on va voir qu'il peut y avoir un basculement ou pas, vous ne savez pas, c'est vraiment au jour le jour qu'on vit la situation ? Parce que là, on a parlé des élections tout à l'heure, l'année prochaine, là, qu'on voudrait qu'elles se rapprochent, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments perturbateurs qui pourraient accélérer les processus ? Ils ont en ce moment, surtout à Cali, qui est une des villes les plus affectées par tout ce qui se passe, ils ont mis en place des messages de dialogo, table de dialogue, je traduis littéralement. Et pour, par exemple, expliquer, hier, il y avait une table où il était censé être la personne qui dirige le département, le maire et le président. Bon, déjà, le président, il n'est pas allé. La gouverneuse, gouvernante. Gouvernante, elle est partie très vite. Pareil, le maire, parce que eux deux, qui font partie de, qui contrôlent la région, ils sont complètement indifférents à ce qui se passe. Alors, les élus locaux, voilà, ne font rien. Ne bougent pas du tout, quoi. Ils ont même disparu les premiers jours de crise. Ouais. Les maires avaient disparu. Ils ont laissé le pouvoir au président pour qu'il fasse l'assistance militaire, comme il l'appelle, et c'est en gros ouvrir les portes de la ville pour qu'il y ait tout le monde, tous les militaires qui arrivent tabasser les manifestants. Donc il y avait ces tables de dialogue où ils étaient réunis avec les premières lignes. Les premières lignes, en gros, c'est les personnes qui sont vraiment face aux militaires pour protéger les manifestants et qui sont là jour et nuit dans les points de concentration. Et ils étaient là, il y a des témoignages des premières lignes qui racontent ça. Ils ont fermé le Colisée où ils y avaient. Il y a tout le SMAT qui est escadron anti-émeute. Anti-émeute, voilà, qui est arrivé là. Et pendant qu'eux, ils étaient là au point de la table de dialogue, il y avait tous les autres, les 21 points de résistance qui se faisaient tabasser par les militaires, par la police et par le SMAT. Donc, il n'y a pas de garantie en ce moment pour le dialogue. Et c'est pour ça que le peuple colombien, il dit, nous, on ne va pas arrêter la grève. On continue parce qu'il n'y a pas de garantie pour maintenant et pour ce qu'on demande, pour notre protection aussi. C'est surtout, on en parlait en préparant l'émission, quand on s'est retrouvé avant l'émission. Moi, personnellement, j'ai une crainte. C'est une fois que la situation se sera peut-être calmée ou pas, mais en tout cas qu'il y aura une issue à ce conflit, c'est toute la période de représailles qu'il y aura derrière. Je parlais tout à l'heure du communiqué des paramilitaires où il y avait les photos des principaux organisateurs de manifestations à Cali, mais le mouvement paramilitaire, les assassinats de leaders sociaux, depuis les accords de paix, il y a eu 1160 leaders sociaux assassinés dans le pays en 4 ans. C'est quand même énorme, c'est un par jour à peu près, comme disait Lina tout à l'heure. Mais j'ai peur d'un mouvement de représailles une fois que le soufflet sera un petit peu retombé. Parce que les médias, même s'ils s'en intéressent déjà pas beaucoup, seront partis. Enfin, les caméras s'orienteront vers d'autres problématiques. Et là, il faut que la population colombienne soit très attentive à ça et à ce système de défense communautaire. Parce que ça risque de cartonner et avant les élections présidentielles. Quoi. Vous serez les bienvenus pour nous parler de ça, pour qu'on continue à suivre ça, que ce ne soit pas juste une occurrence, une émission où on en parle, mais vous serez les bienvenus pour revenir dans des flips et des flops quand vous voudrez. Et c'est désormais le moment de clôturer notre émission. Alors, pour continuer sur ce sujet avec vous, je conseille d'écouter tout à l'heure à 19h l'émission Torre Latino sur Radio Campus, qui va faire suite au Festin Nu et à Goodbye Kevin. Et également, vous pouvez écouter l'interview que nous allons réaliser pour Micro Rebelle Hebdo, là sur le site micro-rebelle.fr. Je vais donner quelques rendez-vous avant qu'on se quitte pour demain. Une journée chargée pour ceux qui veulent lutter contre le racisme, contre les amalgames faits trop rapidement entre étrangers et terroristes, à l'appel du CSP 59 à 11h à Lille, place de la République, demain matin. Donc samedi 14 mai, il y a un rendez-vous donné pour demander la régularisation des sans-papiers et surtout la fraternité internationale. Toujours samedi 15 à 14h, il y a une marche mondiale contre Monsanto et Bayer et contre l'agrochimie. C'est toujours place de la République. Et samedi 15, toujours, même heure, à 15h, pardon, pas la même heure et pas le même endroit, à Grand Place, soutien aux Palestiniens et aux Palestiniennes qui vivent une situation terrible en ce moment. Et donc voilà, et la dernière date qu'on va donner pendant cette émission, rendez-vous au cinéma L'Univers, samedi 22 mai, de 15h à 18h, pour rencontrer l'association Unidos, mais aussi des Colombiens, des Colombiennes qui se sont réunis pour parler de la situation actuelle. Et voilà, est-ce que vous voulez ajouter un petit mot avant qu'on me dise Moi, je veux juste remercier Radio Campus et cette émission-là pour nous laisser l'espace de pouvoir partager cela. Ça, parmi toutes les choses, ça fait du bien de pouvoir en parler et remercier aussi les personnes qui nous écoutent et qui empathisent avec ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup. On souhaite bien du courage à tout le monde. Merci.